بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة. Bienvenue mes frères. Désolé pour ce retard. Le chapitre de la prière. L'auteur qui nous dit رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر من خضرات من نعم وأتي بقدر من خضرات من بقول فوجد لها ريحها أو فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابي فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي ما لا تناجي. سنو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit « celui qui mange de l'ail ou de l'oignon, alors qu'il s'éloigne de nous, ou qu'il s'éloigne et qu'il s'éloigne de notre mosquée et qu'il reste chez lui. » Ensuite, il cite Jabir radiallahu anhu, il dit « et on est venu avec un récipient, une marmite, dans laquelle il y avait des khadirat, c'est-à-dire donc des légumes. Il y avait donc des légumes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé donc dans ceci une odeur. Il a demandé concernant ces légumes ce qu'ils contenaient. Alors il fut informé de ce qu'il y avait dans ces légumes. Alors il a dit, rapprochez-les de certains de mes compagnons. Et lorsqu'il a vu que son compagnon l'a détesté, ne voulait pas en manger, alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Kul fa inni unaji ma la tunaji. » Mange car certes, viens me visiter, viens auprès de moi celui qui ne vient pas auprès de toi, ceux qui ne viennent pas auprès de toi, c'est-à-dire Jibril qui vient auprès du prophète sallallahu alayhi وسلم. ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث تحريم الاتيان إلى المسجد لمن أكل من الثوم أو البصل إلا إن أكلهما مطبوخا لأن الطبخ يزيل الرائحة. Et donc les savants, ils ont cité parmi les leçons bénéfiques de ce hadith le caractère interdit d'aller à la mosquée, d'aller assister à la prière commune à la mosquée pour toute personne qui a mangé de l'ail et de l'oignon, ou de l'oignon. Sauf la personne qui en a mangé après la cuisson, car la cuisson effectivement va retirer l'odeur. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith qala qarribuha ila ba'd ashabi. Qala ba'd al-ulama لأن البصل أو الثوم كان مذبوخا دل على ذلك قول الراوي وأتي بقدر قالوا كان في قدر لأنه كان مذبوخا. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit rapprochez le plat de certains de mes compagnons, les savants ils ont dit pourquoi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donc laissé ses compagnons donc en manger. Certains savants qui nous disent il se peut qu'il n'y avait pas de salade après cela, d'autres qui nous disent que c'est parce que ici le plat il était cuit. Et ce qui nous montre cela, c'est la parole du rapporteur lorsqu'il nous dit wa utiya bi qidrin, et on est venu avec donc une marmite. Les savants ils ont dit si c'était dans une marmite c'est que c'était cuit. Thumma dhakara ahlul ilmi كراهة أكل الثوم والبصل لمن تلزمه صلاة الجماعة. Et donc, on a vu l'interdiction d'aller à la mosquée. Il y a un autre point, c'est le fait qu'il est détestable de manger l'oignon et l'ail quand, pour une personne qui doit aller à la mosquée. Donc, si la personne, elle mange de l'oignon et de l'ail, il lui est interdit d'aller à la mosquée. Maintenant, est-ce qu'il est permis de manger de l'oignon et de l'ail? Les savants, ils disent qu'il est détestable de le faire pour une personne qui doit aller prier. Ensuite, ils nous disent, les savants, « Illa in istata'a aklahuma fi waqtin alima anna ra'ihata tazulu qabla as-salat allati ba'da dhalik ka'an yusalliya aw ka'an ya'kula ba'da al-isha. » Et donc, les savants, il y a certains savants qui nous disent, sauf que, donc cela est détestable, le fait de manger de l'oignon et de l'ail, sauf si la personne, elle a la capacité d'en manger à un moment où elle sait que l'odeur va partir avant la prochaine salat. Comme par exemple, le fait de manger cela après salat el-isha. Après el-isha, la personne peut manger car elle a largement le temps avant la prochaine salat qui est le fajr. وذكر بعض العلماء أن النهي عن إتيان المسجد في هذه الحالة خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال فليعتزل مسجدنا. Certains savants, ils ont dit que ce qui est voulu par l'interdiction ici, l'interdiction de venir à la mosquée, c'est spécifiquement la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, il dit فَلْيَعْتَزِلْ مَزْجِدَنَا, alors qu'il s'éloigne, qu'il se détourne donc de notre mosquée. Et donc ils ont dit, ça c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا الْقَوْلْ مَرْجُوحْ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي مَزْجِدِ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam وَفِي الْمَسَاجِدِ الْأُخْرَى. Et cet avis, donc, il est marjour, cet avis n'est pas juste, il n'est pas correct. Pourquoi? Parce que la cause de l'interdiction, elle est présente dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle est présente dans les autres mosquées. Wa hiya iz'ajul musallin fi salatihim. Et quelle est cette cause? C'est le fait de déranger les prieurs durant leur prière. وَكَذَلِكَ فِيهِ أَذَنْ أَوْ أَذَنْ الْمَلَائِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ. Et aussi, il y a dans cet acte, le fait de prier comme ça à la mosquée, il y a le fait donc de prier comme cela à la mosquée, il y a le fait aussi de déranger, donc de faire du tort aux anges. Aussi, comme cela est cité dans le dernier hadith qu'a cité l'auteur dans ce sous-chapitre. L'auteur qui nous dit, rahimahullahu ta'ala, an Jabir, an al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a qal, man akala thum aw al-basal aw al-kurrath, fala yakribanna masjidana, fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu l'insan. Et donc l'auteur qui nous dit, selon Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange de l'ail ou de l'oignon, alors qu'il ne s'approche pas de notre mosquée, car certes les anges sont dérangés par ceux qui dérangent les êtres humains. Idhan, adhiyatun nasi wal malaika hasilatun fi jami'il masajid. Et donc, en conclusion, le fait de déranger les hommes et les anges, cela se produit dans toutes les mosquées. وأيضاً جاءت رواية بلفظ المساجد. Et aussi, il y a une narration dans laquelle il est stipulé المساجد, les mosquées, alors qu'il délaisse les mosquées. Cette parole, elle est au pluriel. ذكر العلماء أيضا أن قصة الحديث كانت في غزوة. Et aussi les savants, ils ont cité que l'histoire qui est liée au hadith de Jabir, c'est une histoire qui s'est produite durant une bataille, une razwa, donc un voyage. Ce n'était pas à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadith Jabir alladhi dhakarnahu lakum qabla qalil fihi anna al-mala'ikata ta'adha mimma yata'adha minhu al-insan wa hadha 'ammun fi kulli ar-rawa'ih al-khabitha. Et donc il y a dans le hadith de Jabir que je viens de vous citer le fait que les anges soient dérangés par ce qui dérange l'être humain, et cela est général pour toutes les mauvaises odeurs. Lada lida yanbari ala al-mar an yahrisa ala kawnihi dha ra'ihatin tayyiba. Et c'est pour cela qu'il est convenable que l'être humain fasse attention à avoir une bonne odeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se parfumait, Aïcha radiallahu anha qui nous cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam awwala ma dakhala baytahu bada'a bis-siwak. La première chose qu'il faisait lorsqu'il rentrait chez lui, il commençait avec as-siwak. L'homme doit faire attention donc à son odeur. Il doit faire attention à cela. Fayata tayyab, il se parfume. Wa yajtanibu ma yusabbibu ar-rawa'ih as-sayyi'ah. Et l'homme doit donc délaisser ce qui va causer les mauvaises odeurs. Wa min hadduhan ma'a kawnihi muharraman li kawnihi darran 'ala al-abdan kama athbathahu at-tibb. Et donc la personne va délaisser tout ce qui va causer de mauvaises odeurs, et parmi les éléments qui causent une mauvaise odeur, il y a la cigarette. La cigarette, malgré en plus de son cas interdit, illicite, la cigarette va causer une mauvaise odeur à, donc, au fumeur. Et donc cette chose qui est illicite à cause du mal qu'elle cause au corps humain, comme l'a affirmé la médecine. Et donc une petite précision, l'interdiction de venir à la mosquée après avoir mangé de l'ail et de l'oignon, cette interdiction est générale pour toute chose qui a une mauvaise odeur. Tout ce qui va déranger les prieurs durant leur salat. Et donc la cigarette aussi. وَتَكَلَّمَ الْعُلَمَا فِي مَسْأَلَةٍ لَوْ أَكَلُوا كُلُّهُمُ الثُّومُ هَلْ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً. Les savants, ils ont abordé un sujet: si tous, toutes les personnes présentes à la mosquée, elles ont mangé donc de l'ail, est-ce qu'ils vont accomplir la prière commune, ensemble? Puisque de toute façon, ils ont tous mangé de l'ail. Ils ne vont pas se déranger mutuellement. As-sahih min aqwali ahli al-ilm fi hadha i'tizal al-masjid. Likawni al-mala'ika tata'adha min dhalika wallahu a'lam. Et donc, et l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, et le fait aussi donc de délaisser la mosquée, même si ils ont tous mangé de cet ail, à cause du fait que les anges vont être dérangés par cette odeur, et que la personne reste chez elle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans le hadith, fal yak'ud fi baytihi, alors qu'il reste chez lui, khassatan annahum qad yabda'una as-salata jama'atan kulluhum أكلوا من الثوم والبصل ثم يلحق بهم أحد أثناء الصلاة فينزعج بهذه الرائحة. Et aussi, il se peut que ces gens-là tous ensemble, ils ont mangé de l'ail, de l'oignon, et donc il n'y a pas de problème. Ils se disent, de toute façon, on a tous mangé. Allez hop, on prie. Ils commencent la prière, Allahu Akbar. Et c'est là qu'il y a un autre qui vient, il n'a pas mangé avec eux, il vient en plein milieu de la prière, il rentre dans la mosquée, et il est dérangé par cette forte odeur qu'il y a dans la mosquée. Donc voilà pourquoi il est important que les gens, donc, lorsqu'ils mangent de l'ail et de l'oignon, qu'ils appliquent cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiran istadalla Ibn Hazm bi hadha al-hadith ay hadith Jabir alladhi ra'aynahu al-yawm على بطلان صلاة من صلى بعدما أكل الثوم في المسجد. Et dernière chose qu'on verra ce soir, inshallah ta'ala, c'est le fait que Ibn Hazm, rahimahullah, il s'est appuyé sur ce hadith qu'on a vu aujourd'hui, le hadith de Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhuma, pour dire que la prière de celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon, puis qui est allé prier à la mosquée, eh bien sa prière, elle est caduque. Sa prière, elle est caduque parce que le prophète a donc ordonné de délaisser la prière à la mosquée. « Wassawab ma dhahaba ilayhi al-jumhur » Et la vie le plus juste est la vie qu'a cité al-jumhur, la majorité des ulémas. « Ay sihatu salat ma al-ithm » C'est-à-dire que la prière, elle est correcte, mais que la personne qui fait ça est, donc celui qui fait cela est pécheur. Car il n'y a pas de preuve qui montre que sa prière, elle est caduque, mais par contre, il y a une preuve qui montre que ce qu'il a fait est interdit. Il prend donc un péché pour avoir fait cela. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah. Demain, on continue les cours de fiqh avec un nouveau sous-chapitre. Bi'idhnillahi ta'ala wa faqallahu al-jami'a. لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين